artisan des basses œuvres, Barbouze en chef, Éminence grise, Père Joseph et encore, le Bacille, le Sphinx, le Doyen, le Chanoine, etc. Autant de surnoms qui peinent à le définir. Encore que Chanoine lui convienne assez bien, petit, chauve, dodu, le visage rond, les paupières tombantes, un physique pourtant trompeur, car il a toujours surveillé sa ligne, sauté régulièrement en parachute et s'est longtemps entraîné au tir, un exercice où il était d'une remarquable adresse. Cet homme, c'est Jacques Foccart, ou plutôt c'était car il est mort en 1997, emportant avec lui nombre de secrets de la Ve République. Foccart, le personnage qui est toujours en retrait sur les photos, derrière les chefs d'État, visage impénétrable, l'homme de l'ombre, comme l'a appelé assez justement Pierre Péan dans la seule biographie qui lui a été consacrée et qui, malgré le talent de son auteur, n'a pas éclairci toutes les facettes de cet homme mystère. Le nom de Jacques Foccart a souvent traversé mes entretiens avec M. X quand nous avons évoqué l'Afrique et l'action de la France, bien sûr, la France-Afrique, comme on dit aujourd'hui, mais aussi dans quelques dossiers bien français comme ceux du SAC, le Service d'Action Civique, dont nous avons parlé récemment. Alors, qui était réellement Jacques Foccart? Et a-t-on réellement eu raison de voir sa main dans tant de sombres affaires? Faut-il le rendre responsable de l'exécution de si nombreux coups tordus? Ce sont quelques-unes des questions que j'ai posées à M. X. Jacques Foccart a toujours refusé de se mettre en avant. Ouais, mais pourquoi cet effacement, qui a certainement nui à sa réputation, hein? Bah, d'abord parce que la matière des affaires dont il avait la charge exigeait la discrétion. Ensuite, je crois que c'était dans sa nature profonde. Foccart ne voulait pas être sous les projecteurs. À plusieurs reprises, on lui a proposé un ministère ou même un siège d'élu. Et à chaque fois, il a refusé. Il préférait l'ombre, alors. Ce faisant, il était certainement plus puissant que ceux qui étaient dans la lumière. Alors quoi, le goût du pouvoir? Oh, pourquoi pas? C'est humain, non? Mais chez lui, cet appétit de pouvoir était toujours tempéré par la fidélité qu'il vouait au grand homme de sa vie. Oui, le général de Gaulle. Bien évidemment. Une fidélité presque filiale. Mais nous allons voir ça de plus près. En tout cas, une fidélité jamais démentie et qu'il a parfois payée fort cher. Expliquez alors. Jacques Foccart a accepté de prendre sur lui les aspects les plus sombres, les plus tortueux du gaullisme. Ça lui a valu, par exemple, au moment de l'affaire Ben Barka ou encore lors de la transition présidentielle de 1969, lorsqu'Alain Poher s'est provisoirement installé à l'Élysée, de subir un véritable lynchage médiatique. Est-ce qu'il en a souffert, à votre avis? Très certainement. Mais en ce sens, il a protégé le général dont la personne devait rester irréprochable. Il lui fallait donc cultiver le secret et se garder de déchirer le rideau de fumée derrière lequel il agissait. Il a quand même évoqué ses activités dans des livres, bon, à la partie, fin de sa vie, une partie de ses activités, mais pas l'essentiel. Dans ses mémoires, même s'il raconte un certain nombre d'anecdotes souvent croustillantes, il se garde bien de révéler l'essentiel. C'est quoi alors, les secrets d'État? Et toujours pour protéger le général et sa légende. C'est un peu dommage parce que Foccart est certainement l'homme qui a le mieux connu de Gaulle. Songez que tous les soirs, invariablement, le général lui accordait un quart d'heure d'entretien. Et parfois plus lorsque la situation l'exigeait. Et on n'y parlait pas seulement de l'Afrique, qui était le secteur réservé. Oui, d'accord, mais enfin, tout le monde sait qu'il avait aussi la haute main sur les services secrets. Ça explique beaucoup de choses. Alors, je crois vous avoir déjà expliqué pourquoi Foccart devait faire preuve de discrétion. Et au fond, ça ne lui déplaisait pas. C'était dans son caractère et ça faisait partie de son personnage. Tenez, il n'est jusqu'à l'histoire de sa famille qu'il ne soit mystérieux. Selon votre confrère, Pierre Péan, qui a publié une biographie non autorisée de Foccart. Et donc sans la coopération de celui-ci, hein, c'est ça. Ouais. Donc selon Péan, il y aurait beaucoup de secrets dans l'histoire familiale. On trouverait en effet des liens avec les Beauharnais, les grands ducs de Bade et la fameuse énigme de Caspar Hauser. Qui aurait été un enfant volé, enfant de la grande-duchesse, hein, oui, c'est ça. Oui, hein. Les Foccart auraient également été liés aux Grimaldi. Les souverains de Monaco. Hein. Il faudra aussi parler de la grand-tante de Jacques Foccart, une religieuse dont on a dit qu'elle aurait eu une liaison, et même un enfant avec l'évêque de Laval. Oui, tout ça c'est du Gensu, votre histoire. Là. Oui, à peu près. Et cette dernière affaire provoquera un tel scandale, tant à Rome qu'à Paris, qu'elle ne sera pas étrangère à l'adoption de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Enfin, ce qui est certain, en tout cas, c'est que La famille Koch-Focard est originaire d'Alsace. Koch, comme le découvreur du bacille de la tuberculose. Oui, Koch, c'est le patronyme familial du côté paternel. Ah, et Focard, alors? Bon, si je ne me trompe, ça devait être le nom de sa grand-mère, mais Jacques s'est débarrassé du patronyme germanique et a obtenu de s'appeler simplement Focard. Alors, un mot sur les parents. Et faisons fi des légendes et des apparentements scabreux et princiers. Pourquoi vous n'y croyez pas? Bon, je n'en ai pas la moindre idée. L'arrière-grand-mère de Jacques, Victoire Frédéric, est veuve, avec un fils, Louis. Elle partage la vie, je crois même qu'elle l'épousera, d'un riche notaire parisien qui possède un château en Mayenne et une propriété à Monaco. Encore Monaco? Eh oui, ce notaire est en effet un intime de la famille princière. Mais dans notre histoire, ce qui est important, c'est que ce richissime tabellion se conduit comme un père avec Louis, le fils de sa compagne, et en fera même son héritier. Louis, qui devenu adulte, choisit de se fixer en Mayenne, dans le château de son bienfaiteur. Notable, conservateur et même réactionnaire, il fait une ribambelle d'enfants à son épouse et en destine plusieurs au service de l'Église. Ouais, dont cette religieuse, la cuisse prétendument légère. Exactement. Mmh. Et l'un des enfants, le père du futur Jacques, Guillaume, richement doté lui aussi, part tenter l'aventure en Guadeloupe où il achète une plantation. Et là, ça se situe quand? Au début du siècle dernier. D'emblée, Guillaume Koch-Focard, propriétaire terrien et aisé, devient une personnalité en vue et se fait élire maire du chef-lieu de Basse-Terre, Gourbert. Une élection qui doit beaucoup à la fraude électorale. Mais telle était alors la situation à la Guadeloupe. Dans le même temps, il épouse une créole, la fille d'une vieille famille de hobereaux normands exilés depuis longtemps aux Antilles. Le voilà installé. Hein. Il se fait aussi élire au Conseil Général, où il ne cesse de batailler contre l'administration. Et il faut bien constater que Guillaume, contrairement à son père, prend souvent des positions relativement progressistes. Enfin, pour l'époque, en tout cas. Uh-huh. Et le petit Jacques, alors? Il naît juste avant que la Grande Guerre éclate. Et très peu de temps après, père, mère et enfant embarquent pour rejoindre la France. Ils font bien sûr étape dans la propriété familiale. Oui, en Mayenne. C'est ça, oui. Mmh. Toutefois, ils repartent bientôt pour les Antilles, mais sans le bébé, qui est confié à ses grands-parents. Il va y rester 3 ans, jusqu'à la mort de son grand-père. Et on l'envoie retrouver ses parents en Guadeloupe. Mais c'est très important, parce que l'enfant découvre alors la société antillaise. Et ça, ça le marquera. Mmh. Que voulez-vous dire, enfin? Toute sa vie, vous le savez bien, Jacques Focard aura de la sympathie pour les Noirs. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Forcément. Bon, je ne relève même pas. Cependant, sans doute à la grande déception de l'enfant, la famille repart vers la métropole. Et cette fois, c'est définitif, car Guillaume a tout vendu. Alors, Jacques, le petit Jacques, renoue donc avec la Mayenne. Mmh, et pensionnaire, il va faire ses études dans un collège religieux très traditionnaliste, où la discipline est rigoureuse. Ah, ça doit changer de la vie aux Antilles. Hein. Pas certainement. Mmh. Et quel genre d'élève? Oh, pas très brillant, sauf en histoire. Quoi qu'il en soit, Guillaume meurt prématurément. Et les Focard subissent des revers de fortune. La tante, toujours elle, aurait confié une partie de l'héritage familial à son couvent. Résultat, Jacques quitte le collège à la fin de la première et il doit travailler. Alors qu'il n'a aucune formation. Ah oui, aussi sollicite-t-il des amis de son père. C'est ainsi qu'il trouve un emploi dans une société qui commerce avec les Antilles. Il vend aussi des automobiles. Ah, la vocation du commerce. Hein. Oh, vocation, je ne sais pas. Enfin, tout au long de sa vie, même quand il sera le principal conseiller du général de Gaulle, Focard continuera à présider une société d'import-export créée après la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi, alors, selon vous? Il entendait rester libre, c'est-à-dire financièrement indépendant. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas qu'une société de ce type permet aussi de nouer des relations utiles. Ouais, l'import-export, ça permet même de camoufler certaines activités. Pourquoi pas? Enfin, poursuivons. Jacques Focard fait son service militaire. Et ça lui plaît, puisque après sa démobilisation, il prend des cours pour devenir sous-officier de réserve. À noter qu'à l'armée, il se découvre un ami. Mmh, qui? Un certain Henri Tournet. C'est un nom qui me dit quelque chose, ça. Et vous avez raison. Ce Tournet, qui demeurera toute sa vie l'ami de Focard, est l'homme qui sera à l'origine de l'affaire Boulogne. Ah oui, le promoteur. Oui, qui aurait vendu au ministre un terrain de Ramatuelle pour une bouchée de pain. En réalité, il s'agissait d'un véritable piège dans lequel on a fait tomber Boulin. Ouais, Boulin qui était pressenti à l'époque pour devenir le prochain premier ministre de Giscard d'Estaing. Exact. Et d'aucuns ont cru déceler derrière cette manipulation qui s'est terminée par le pseudo-suicide de Robert Boulin, la main du sac, ce service d'action civique justement créé à l'instigation de Jacques Focard. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, non? Revenons une dernière fois sur les mystérieuses origines familiales de Jacques Focard. Mystérieuse en effet, puisque Pierre Péan a supposé que son grand-père paternel était en réalité le fils de la princesse Marie de Bade, dont une fille a épousé le prince Albert de Monaco. En 1995, dans un livre d'entretien avec Philippe Gaillard, après avoir sollicité un généalogiste, Focard répond à Péan, je le cite. « C'est une affabulation, mais je viens seulement en 1993 d'en acquérir la certitude. La jolie fable est fondée sur un arrêté du ministre d'État de la principauté de Monaco, autorisant le transfert du corps de mon grand-père à l'étranger, c'est-à-dire en France. » Cet arrêté du 13 mars 1916 identifie le défunt comme fils de feu Coq et de Sar, S-A-R. À Monaco, interprète notre auteur, cela ne peut signifier que son Altesse royale. Il relève en outre que la même mention figure dans les archives des Bouches-du-Rhône à propos d'une déclaration de succession établie par mon grand-père. Poursuivant son idée, il, c'est-à-dire Péan, ne s'arrête pas à ce que la désignation « son Altesse royale » peut avoir d'étrange dans un contexte républicain. Le généalogiste a été plus curieux. Il a bien retrouvé « Sar » dans la colonne « Situation de famille » de la table des successions de Marseille, mais il s'agit d'une mention qui revient fréquemment, par exemple, s'incline plus haut à propos d'un marin écossais. Finalement, cela signifie « sans autre renseignement ». Sar. Hélas, la version romantique de mon ascendance n'est qu'une légende. Poursuivons, et vous allez le voir, l'ombre va encore s'épaissir. En 1939, Focard se marie, puis c'est la mobilisation, toujours avec son compère tourné. En 1940, les deux hommes sont libérés, et ils vont faire du commerce ensemble. Oui, ils sont vraiment très très liés. En effet, ils commencent d'abord par acheter un bois dans l'Orne, et monte une exploitation forestière. Enfin, disons-le tout de suite, cette période de la vie de Focard est très floue. Alors parfois, usons du conditionnel, l'entreprise des deux hommes prospère. Sans doute parce qu'ils vendent leur bois à l'organisation Todd. Mais ça, c'est une organisation paramilitaire chargée de construire les fortifications allemandes dans les territoires occupés. C'est bien oui, ça. Hein. Oui, et ce commerce de bois se ferait par un intermédiaire louche, un Français proche des Allemands. Mais un officier soupçonne ce trafic de cacher des malversations. Ouais, un officier allemand. Bien sûr. Ouais. Il les dénonce à ses supérieurs. Mais quelques jours plus tard, il est assassiné. Ah oui. Et Focard et Tournay sont arrêtés par les Allemands. Quand ? En 1942. Or, selon Tournay, mais aussi Focard, les deux hommes auraient déjà été engagés dans l'action résistante. Ah, vrai ? Difficile à dire. Beaucoup de témoins ont disparu, l'un en particulier un Belge qui leur servait de traducteur et qui était très au fait de leurs affaires. Lui aussi sera abattu. En tout cas, les deux associés demeurent 48 heures en prison, puis sont libérés contre une importante caution. Une somme d'1 million de francs, qui leur sera restituée à la libération. Par qui alors ? Par la résistance. Bizarre, non ? Mais Focard a toujours soutenu que l'opération était parfaitement légale. Bon, je ne peux rien vous dire de plus. Il faut toutefois mentionner que Focard a longtemps préféré oublier cette histoire d'arrestation et de libération sous caution. Ouais, ce n'était donc pas très clair. On peut le penser. Mmh. Par contre, l'engagement de Focard dans l'action clandestine au cours de l'année 1943 ne peut pas faire de doute. Sous le pseudo de Binot, il monte un réseau pour le compte des services secrets de la France libre, le BCRA. Et il devient le responsable pour les départements de Normandie de l'exécution du plan Tortue. Expliquez de quoi s'agissait-il ? Comme son nom l'indique, ce plan consistait à retarder le plus longtemps possible les renforts allemands sur le front de Normandie. Après le débarquement des Alliés. Naturellement. De l'avis général, le plan Tortue a été très efficace. Et Focard, personnellement, s'est montré d'un grand courage dans l'action. Et ça, au moins, c'est incontestable. Oui, parce que pour le reste, il y a quand même pas mal de flou. Et ensuite Focard a sans doute croisé le général de Gaulle à Laval en août 44. Croisé seulement ? Oui, même si Focard a eu des responsabilités. Ce n'est qu'un résistant parmi d'autres et il a sans doute eu, comme les autres, une poignée de main du général. Puis, avec le rang de lieutenant-colonel du BCRA, il part à Londres, où il rejoint des volontaires français. Alors que sur le continent, la guerre est loin d'être terminée. Certes, mais les Alliés envisagent la formation de commandos destinés à être parachutés près des camps de concentration. Quoi, afin de la libérer ? Ah oui, des missions excessivement dangereuses, car ces hommes devaient sauter derrière la ligne de front. Ils ont donc subi un entraînement très astreignant en Grande-Bretagne. Et quelques équipes vont effectivement être parachutées en Allemagne. Munis d'émetteurs, revêtus d'uniformes allemands, ces volontaires avaient aussi pour mission de renseigner les forces alliées sur tout ce qu'ils voyaient. Mmh. De l'espionnage, en somme. Hein? Oui, oui. Mmh. Et les premiers commandos sont parachutés. Mais il y a beaucoup de pertes, et l'état-major allié finit par mettre fin à l'opération. Alors Focard, lui... Il a subi l'entraînement, mais chef du détachement français, il n'a pas eu le temps de sauter. Avant la fin de l'opération. C'est ça. Vous avez... Ensuite, il revient en France, bien sûr, et il est démobilisé en juin 45. Et c'est l'époque où il crée sa société d'import-export, tout en occupant une modeste fonction au ministère du ravitaillement. Enfin, l'important n'est pas là. D'abord, au sein du BCRA, il a noué de précieux contacts avec les hommes du renseignement. Avec un autre Jacques, Soustelle. Ensuite, sans doute par l'intermédiaire d'un important responsable des FFI. Les forces françaises de l'intérieur. Oui, donc grâce à cet officier, il rencontre nombre de prestigieux résistants. Les Chaban-Delmas, Debré, Palevski, etc. Tous des proches du général de Gaulle. Hein? Et c'est presque naturellement qu'on lui demande d'être candidat aux élections législatives en 1945. Où? Chez lui, en Mayenne. Ah oui, donc c'est donc pour représenter la mouvance gaulliste. Hein? La mouvance, oui, parce que le RPF n'existe pas encore. Mais au dernier moment, Focard reçoit un coup de fil de Chaban-Delmas. On lui demande de s'effacer au profit de Soustelle qui cherche une circonscription. Et il accepte ? Sans aucune difficulté, parce que Focard n'était pas un batteur d'estrade et il était candidat malgré lui. Quoi qu'il en soit, et ça mérite d'être souligné, en peu de temps, il est devenu membre du premier cercle gaulliste. Et comment expliquez-vous ça, alors ? D'abord, personne ne pouvait contester ces types de résistants. Oui, malgré... Quand même, les zones d'ombre de ces rapports avec l'organisation TOT. Hein. En effet. Mmh. Mais combien d'authentiques résistants n'ont commencé le combat qu'en 1943? Ah oui, vous pensez à Mitterrand, là. Par exemple. Bon, ensuite, je pense qu'il doit son ascension à son activité au sein du BCRA, l'ancêtre du SDEC. Ses supérieurs, Soustelle, sans doute, ont dû remarquer ses qualités d'organisateur. Alors c'est vrai, dès cette époque, il jouit de la confiance du général. Ah, en plus, une confiance que de Gaulle n'accordait qu'avec parcimonie. C'est juste. Hein. Alors là aussi, il y a une sorte de mystère. Notons simplement qu'il est l'un des premiers à qui le général parle de son projet de créer, non pas un parti, mais un rassemblement. Oui, encore que, personnellement, la différence ne m'est jamais paru évidente. Hein. Mmh. Le RPF a bien été un parti politique, non? Sans doute. Mais le général, si hostile au système des partis, rêvait de créer autre chose. Un mouvement qui suscite l'enthousiasme et regroupe des hommes de bonne volonté en dehors de tout choix partisan. Mmh. Mais le résultat, ça a quand même été un parti très droitier. Bon, enfin, peu importe. Focard est donc très tôt dans la confidence et De Gaulle en fait l'un de ses délégués régionaux chargés de préparer la création du RPF. Focard prend aussi une part active dans l'organisation du service d'ordre du nouveau parti. Un service où l'on va retrouver des costauds recrutés parmi les vétérans de la France libre. Oui, ou chez des militants au passé beaucoup moins glorieux. Hein. Pas obligatoirement, mais enfin, nous en avons déjà parlé, puisqu'après le retour au pouvoir du général, pas mal de ces gens formeront le noyau dur du SAC, le service d'action civique. Cependant, en attendant, Focard va faire connaissance avec ce qui deviendra son domaine de prédilection, l'Afrique, et ce qu'on appelle alors l'Union française. D'ailleurs, il publie une lettre confidentielle, la lettre de l'Union française. Cette fonction est plus importante qu'il n'y paraît. Pourquoi ? Parce que dès cette époque, De Gaulle accorde une grande attention aux colonies et aux territoires d'outre-mer. Faut pas oublier que c'est à partir de l'Empire que les troupes de la France libre se sont constituées. Et c'est aussi en consacrant deux très longs voyages outre-mer, des voyages organisés par Focard, que le général testera sa popularité et reprendra espoir. Alors donc, ça lui tient à cœur. Particulièrement. Et Focard, chargé de ce secteur au sein du RPF, occupe donc une place à part. D'autant qu'il fait dorénavant partie des fidèles parmi les fidèles, c'est-à-dire ceux qui ne trahiront jamais De Gaulle et resteront auprès de lui lors de ce qu'on a appelé la traversée du désert. Mais sa retraite à Colombey les deux églises. 12 longues années, oui. Mais pas 12 années tout à fait inactives pour les gaullistes. Car Focard, en particulier, va les mettre à profit pour constituer ces fameux réseaux. En 1952, Jacques Focard est coopté par le groupe RPF au Sénat pour devenir conseiller de l'Union française. Une sorte de parlement qui siège à Versailles, où le futur conseiller du général de Gaulle rencontre nombre de futurs chefs d'État africains. Georges Chaffard, qui lui a consacré une longue enquête en 1969 dans le Nouvel Observateur, note alors, je le cite, Rien jusque-là ne l'a fait particulièrement remarquer, qui annoncerait en lui ce Fouché du gaullisme, ce Guélène de la communauté franco-africaine, ou ce Vidocq décoré régnant sur des officines de Barbouze que ses adversaires bientôt vont croire découvrir en lui. Héros de la résistance, homme d'affaires aisé, habitant Neuilly, honoré du titre de conseiller du commerce extérieur, parlementaire entré dans la vie politique par la voie indirecte de la cooptation à l'Assemblée de l'Union française, rien ne le distingue de dizaines d'autres personnages du sérail républicain. Ses votes à l'Assemblée de l'Union française n'ont rien de systématiquement réactionnaire. S'ils le font apparaître comme partisan décidé de l'ordre dans les pays d'outre-mer, Jacques Foccart ne paraît pas hostile, globalement, à l'établissement de rapports nouveaux entre la France et les peuples d'Afrique et d'Asie. Il se prononce pour les réformes inscrites dans la loi cadre de 1956 pour l'application au Vietnam des accords de Genève. Alors, ces réseaux Foccart-là, qu'en est-il réellement ? Eh bien, ils sont de plusieurs natures. Enfin, pour simplifier, j'en retiendrai deux. D'abord, il y a cet écheveau de relations que Foccart tisse en Afrique et dans les Dom-Toms. C'était pour lui d'autant plus facile que les futurs dirigeants africains qui siègent avec lui sur les bancs de l'Assemblée de l'Union française sont en général très gaullistes. Comme parce qu'ils admirent De Gaulle, oui, l'homme. Le De Gaulle de la France libre, celui aussi qui en 1944, dans son fameux discours de Brazzaville, a clairement esquissé les contours d'une Afrique émancipée. Oui, décolonisée. Ah, mais il n'est pas allé jusque-là, hein, mais c'était en germe dans son propos. Toutefois, les relations de Foccart avec l'Afrique ne sont pas seulement politiques, elles sont aussi économiques. Grâce aux hommes d'affaires français installés dans les colonies et qui formeront plus tard le socle de la France-Afrique. En outre, et ce sera sa grande force en Afrique, Foccart veille à être bien informé. Et là, nous rejoignons le deuxième versant des réseaux Foccart. Les services de renseignement, quoi. Bien entendu. Ancien du BCR, Jacques Foccart n'a pas coupé les ponts, bien au contraire. Non seulement continue à faire des périodes régulières dans le service action, mais il se débrouille pour l'infiltrer. C'est-à-dire ? Pas faisant jouer ses relations, il introduit des types sûrs, pour la plupart des anciens de la France libre. Ossarès, pour ne citer que lui, fait partie de ces gens-là. Ossarès, le futur général tortionnaire ? En effet. Ouais. Cette infiltration est même si importante que Foccart apparaîtra pour certains comme étant le véritable patron du service action, essentiellement composé des hommes du 11e choc. Mmh. C'est tout de même, enfin. Ça me paraît assez effarant, car il ne fait pas partie des cadres. Non, non, il est simplement réserviste, comme il en existe des centaines d'autres. Il faut aussi dire, pour expliquer le succès de Foccart dans cette manœuvre d'infiltration, que l'on pratique au SDEC un anticommunisme virulent. Oui, à cause de la guerre froide. Bien entendu. Ouais. Et face au danger que représente le Parti communiste français en France, le général de Gaulle apparaît comme un recours. Notons au passage que tous ces types appartenant ou pas au SDEC sont parfois aussi ceux que l'on trouve dans les réseaux gladiaux, des réseaux dormants censés entrer en action si l'armée rouge déferlait sur l'Europe de l'Ouest. Oui, mais des réseaux qui outrepasseront leur mission d'origine. Hein. Évidemment, mais tu n'insistes pas, car nous en avons déjà parlé assez longuement. Et puis, il y a l'Algérie. Le SDEC, et particulièrement son service action, vont être engagés dans la lutte contre les FLN et les marchands d'armes qui fournissent les rebelles. Cette bagarre, féroce et souvent sanglante, a porté presque naturellement les hommes du SDEC à épouser la cause de l'Algérie française. Ouais, ça peut en effet se comprendre. Et dans cette mesure, soumis en plus à l'influence de Foccart, ils acceptent sans difficulté d'être partie prenante du complot de mai 58, qui porte le général de Gaulle au pouvoir. Mmh. Oui, parce que le général, encore une fois, leur apparaît comme le meilleur défenseur de l'Algérie française. Hein. Oui, ce sont par exemple des militaires du 11e choc qui, avec le feu vert de Foccart, provoque un mini-putsch à Ajaccio le 24 mai 1958. Une action pas très importante en soi, mais qui est symbolique. C'est le premier département qui entre en rébellion contre la 4e République et fait appel à De Gaulle. Ouais. Même si, on le sait maintenant, cette affaire a relevé de la pure manipulation. Ça, c'est exact. Ouais. En tout cas, le SDEC se rallie aux gaullistes sans aucune difficulté. Il en sera de même à la DST, où son numéro 1, Roger Vibault, sera lui aussi du complot. Ouais. Il sera pourtant, lui, mal récompensé, hein, puis il sera ensuite viré. Ouais, oui, le général a cru, à tort, que la DST, sur l'ordre de Vibault, avait installé des micros dans sa chambre de l'hôtel La Pérouse. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Remarquez bien que les hommes du SDEC ne seront pas mieux traités, puisque bientôt De Gaulle choisira une politique algérienne contraire à leurs vœux. et certains convaincus d'avoir été trompés n'hésiteront pas à donner un coup de main à l'OS. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le SDEC refusera d'être engagé dans la lutte contre l'OS. C'est parfaitement exact. Et Focard lui-même devra épurer les rangs du service, mais on en parlera. Auparavant, revenons un petit peu en arrière. Le général de Gaulle, qui se rend compte au milieu des années 50 de la désaffection dont il est l'objet, n'en apprécie que plus la fidélité de Focard et son absolu dévouement. Et il le promeut en le nommant à la tête du RPF. Oui, mais c'est un RPF qui se délite peu à peu. C'est vrai, c'est vrai. Même de Gaulle finit par s'en désintéresser. Et vous connaissez certainement cette phrase qu'il a lancée justement à Focard, qu'il entretenait des problèmes du RPF. Focard, vous commencez à m'emmerder avec votre RPF. Votre RPF, mais c'est quand même un comble de mauvaise foi, parce que c'est bien de Gaulle qui a créé le rassemblement. Ah oui, mais le général était ainsi, puisque le RPF était moribond, bah, ça n'était plus sa chose. Et Focard, qui a sûrement été flatté d'être choisi comme numéro un, a surtout eu pour tâche d'accompagner les derniers instants du parti. Ouais, sa liquidation, ça. Ouais, enfin, c'est à peu près ça. En tout cas, comme vous l'avez certainement compris, Jacques Focard va être l'une des chevilles ouvrières du coup de mai 58. Ou plutôt, des coups de mai 58. Car on assiste alors à l'élaboration d'une série de complots. Autant d'intrigues que les gaullistes et le général vont récupérer à leur profit. Ouais, avec une grande habileté. Ça, c'est indéniable. Ils ont coiffé au poteau tous les autres comploteurs et se sont même servis d'eux afin d'inspirer la grande trouille qui a conduit le général à se présenter comme un rempart. Rempart contre un putsch militaire. C'est ça. Et dans cette manœuvre, Focard a été un acteur essentiel. Et surtout, ce qui n'était pas forcément évident, un fidèle interprète de la pensée du général. Je veux dire que c'est souvent lui qui a été le discret intermédiaire de De Gaulle entre celui-ci et les futurs barons du gaullisme. Mmh. Une nouvelle preuve des rapports très étroits hein, qui existent désormais entre lui et le général. Oui, et dès que ce dernier est investi par les députés en juin 58, il appelle Jacques Focard auprès de lui à Matignon, puis à l'Élysée lorsqu'il sera élu président de la République par le Congrès. Mmh. Avec quelle fonction alors à l'Élysée ? Focard est conseiller chargé des questions de ce qu'on va appeler alors la communauté. Ouais, c'est une sorte d'équivalent du Commonwealth britannique hein, regroupant alors les États africains francophones et les dom-toms. C'est ça, oui, tout à fait. Et un peu plus tard, il deviendra secrétaire général de la présidence de la République chargé des affaires africaines et malgaches. Un poste prestigieux qui exprime bien la confiance que le général lui témoigne. Et c'est à partir de ce moment-là que le président de la nouvelle 5e République va prendre l'habitude de le recevoir tous les soirs en tête-à-tête pendant un bon quart d'heure. Une faveur dont ne bénéficie aucun ministre. Ah, même pas le premier d'entre eux. Mais vous n'ignorez pas, les attributions de Focard ne se limitent pas là. Très vite, et en raison des compétences de son conseiller en matière de renseignement, Charles de Gaulle lui demande d'organiser une sorte de tutelle officieuse sur les services secrets. Bref, Focard devient le véritable patron du SDEC, c'est ça ? Ouais, sans exagérer, on peut voir les choses comme ça. Et ça lui donne un pouvoir exorbitant au sein de cette toute nouvelle 5e République. D'autant qu'il va bientôt créer le SAC, le service d'action civique censé soutenir l'action du général. Ouais, mais qui va devenir une sorte de police parallèle. Hein. Oui, oui, nous en avons parlé récemment, alors inutile d'y revenir en détail. Ensuite, l'une des premières tâches à laquelle il va s'atteler, c'est ce dont je vous ai parlé, l'épuration au sein du SDEC. C'est-à-dire l'élimination des agents Algérie française. Ah, et ça va devenir très féroce. Focard commence par obtenir la tête du patron du SDEC, le général Grossin. Il lui reprochait de refuser de mettre ses troupes au service de la lutte contre l'OS. Un refus parfaitement justifié. Le SDEC est un organisme de renseignement qui, en principe, est chargé de l'étranger. Et Grossin ne veut pas participer à une entreprise de maintien de l'ordre. Il n'a quand même pas eu ce genre de scrupules hein, lorsqu'il s'est agi de lutter contre le FLN, parce que les Algériens étaient encore des citoyens français. Oui, sans doute, mais ils bénéficiaient d'appuis étrangers. Enfin, ne polémiquons pas. Donc, Grossin est viré. Et dans la foulée, Focard mène une véritable chasse aux sorcières. Tous les agents du SDEC soupçonnés de nourrir des sympathies avec les activistes de l'OS sont surveillés, parfois purement et simplement virés. Des espions espionnés, en somme. Exactement. Et Focard est particulièrement bien placé pour diriger cette opération, puisqu'il connaît la plupart des hommes du service action. Mais en même temps, ce flicage va se retourner contre lui. C'est-à-dire ? Il va se former au sein du SDEC un noyau de rebelles qui, pour se venger, va propager une rumeur dévastatrice avec l'aide de quelques agents de la CIA. Quoi ? Eh bien, Foka, coupable de travailler à déstabiliser le SDEC, ne serait en réalité qu'un agent du KGB. Un espion de Moscou placé auprès du général de Gaulle. Et on verra là l'explication de la décision du général de prendre ses distances avec les États-Unis et l'OTAN. Et son rapprochement avec l'URSS aussi. Enfin, hein. Si vous voulez bien, nous verrons peut-être cela la semaine prochaine. Pierre Péan, le biographe de Jacques Foccart, biographe non autorisé, je le rappelle, consacre plusieurs pages à ce sujet. Et dans ce paragraphe, il insiste sur l'aspect policier du personnage. Beaucoup d'hommes de l'ombre que j'ai rencontrés affirme qu'une des clés du système Foccart a été l'utilisation de fichiers et la peur panique qu'ils inspiraient. Pierre Guillaume se souvient des visites que lui rendait Foccart au ministère des Armées. Il lui apportait des fiches portant sur de prétendus activistes au sein de l'armée. Elles n'étaient pas toujours très bonnes, note-t-il. Depuis toujours, chez Foccart, on a systématiquement fiché hommes et événements. L'accès depuis 1958, aux services spéciaux, sa haute main sur le sac, la disposition de réseaux importants en Afrique et dans divers autres pays, fournissait d'extraordinaires matériaux. Un ancien membre des réseaux africains m'a expliqué comment les collaborateurs de Foccart aimaient à recruter les gens qu'ils savaient pouvoir tenir. Ils connaissaient admirablement les ressorts de l'âme humaine et, selon lui, n'hésitait jamais à utiliser les mœurs anormales, les penchants pour l'argent, les erreurs passées, les vieux secrets. Si le dossier n'était pas suffisant, il n'hésitait pas à le compléter en piégeant leur cible du moment.